Kawet Terlio et Associés, concessionnaire des greffes de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour vous souhaiter un bon été. Pour vos besoins en arpentage, que ce soit pour des cadastres, certificats de localisation et autres, communiquez avec Kawet Terlio et Associés, arpenteur géomètre, au 276-2478, situé au 1660 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini. Monsieur Henri-Paul Kawet souhaite plein succès à la classique volleyball Saint-Félicien Toyota qui se déroule à la Chute à Lourdes de Normandin en fin de semaine. L'Intermarché Florent La Chance de Saint-Prime a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'été au maximum. Un département des viandes de qualité supérieure, supervisé par des maîtres bouchers à l'écoute de vos moindres exigences. Des fruits et légumes gorgés de saveurs à des prix compétitifs et un comptoir de mets cuisinés qui charme les palais les plus fins. L'Intermarché Florent La Chance, agent autorisé SAQ, est fier de commanditer la chronique du club de golf Saint-Prime sur le lac Saint-Jean et souhaite une bonne saison à tous. On va parler de golf avec notre ami Michel Allemand, la chronique du club de golf de Chibougamo. Salut Michel. Bonjour Danny. Michel, avant de parler de ce qui se passe sur les allées du club de golf de Chibougamo, on va parler de vos golfeurs qui font bien. Évidemment, Pierre-Alexandre Bédard qui a bien fait au championnat canadien amateur. Je pense qu'hier, il a joué 73. C'est exact. Il doit être, si je ne me trompe pas, 35e. Ouais. Avec encore une ronde à jouer aujourd'hui. OK. Est-ce que c'est quand même positif? C'est-tu bon, 35e, pas dans son cas? Moi, je pense que oui, parce que le calibre de jeu est très relevé. Ouais. Au championnat canadien amateur, là, okay, il y a beaucoup de joueurs de l'extérieur, ouais, qui viennent du pays, okay, pour justement là avoir un haut niveau de compétition. OK. Et les trois meilleurs de chacune des provinces sont également présents pour se disputer là, la coupe canadienne, si on veut. OK, OK. Donc, c'est bon. Donc, Pierre-Alexandre qui a fait 73, c'est à Ottawa, le championnat de golf amateur. Et il y en avait un ici au niveau junior sur les allées du club de golf Lac-Saint-Jean qui a fini au troisième rang dans la catégorie juvénile, c'est Julien Fillion. Exact. Ouais. On avait trois représentants, okay, qui ont été au championnat régional. Ouais. Ça fait trois ans qu'on n'avait pas eu de jeunes qui sont rendus à ce niveau-là, dont Julien, qui est certainement là un très bon golfeur actuellement et à devenir encore plus. OK. C'est-tu un... écoute, Pierre-Alexandre est très bon, mais c'est un beau potentiel à développer, quoi? Oui, c'est, ouais, un excellent potentiel à développer à 15 ans. Très belle technique, frappe très bien la balle. Okay. C'est un bon jeune homme, très plaisant à jouer, même au niveau des adultes. Je peux te dire que c'est probablement là, la pointe de notre iceberg. Okay. Depuis 5 ans qu'on a un programme d'initiation au golf. Ouais. Cette année, c'est la deuxième année qu'on a une ligue de golf pour les juniors. Okay. Donc, on a une vingtaine de jeunes qu'on confie à un instructeur, comme une ligue de hockey, une ligue de soccer, ouais, ou n'importe quoi. Puis les jeunes, ils viennent deux fois par semaine avec leur entraîneur, doivent jouer deux parties par semaine avec des membres de la ligue. Okay. Donc, ça développe beaucoup. On commence à en revoir de plus en plus, ah, des jeunes sur notre parcours, et Julien Fillion est un de ces jeunes-là qui ont des beaux potentiels à développer. OK, donc on va surveiller ça de très loin. On va surveiller de beaux potentiels également. Parle-moi maintenant de ce qui est passé cette semaine au club de golf de Chibougamau. Il y avait une Coupe des champions. Il y avait une Coupe des champions la semaine dernière. C'était la dernière qualification en vue de la finale qui aura lieu samedi le 20 août. Okay. Donc, en classe A, c'est Serge Drolette qui s'est qualifié. Ouais. En classe BB, Régis Perron. Okay. On avait encore 24 joueurs, donc c'est une bonne participation au niveau de la compétition. Cette semaine, c'est le plus gros happening de l'été pour le club de golf, okay, de ouais, Chibougamau. Ouais. C'est le Super Calcutta UR et compagnie. Okay. 90 de nos membres répartis dans 18 équipes qui doivent jouer chacune trois parties de notre roue cette semaine. Okay. Et samedi, tous ces 90 joueurs-là seront sur le parcours pour la dernière ronde. On a eu des activités toute la semaine. Hier, on avait un concours de potine. 80 personnes étaient présentes. Blé d'Inde, hot dog. La terrasse était pleine. Très belle soirée. Ça se poursuit demain soir avec le bal en blanc et noir. Mm. Et samedi, souper, remise des prix et soirée sociale pour clôturer cette belle semaine de golf. OK. Donc, lundi matin, dans le bulletin de sport local, on va en reparler certainement. Ça fait le tour pas mal pour cette semaine? Ça fait le tour pour cette semaine. Oui. Donc, on s'en reparle jeudi prochain. Voilà, c'était Michel. Avec plaisir, Danny. C'était Michel Allemand, du club de golf de Chicoutimi.